le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Zigane, gitan, manouche, entre mythe et défiance, et fascination aussi. Nous leur devons une des plus belles lettres de notre littérature. Le 12 juin 1867, Gustave Flaubert écrit à George Sand. Je me suis pâmé il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Et Flaubert ajoute, cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens de l'ordre. C'est la haine qu'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Zigane, gitan, manouche, l'histoire des préjugés. Adèle Sutre, bonjour. Bonjour. Alors, commençons à réfléchir sur les préjugés liés aux gitans. Déjà, si nous réfléchissons à l'origine, d'où viennent-ils ? Alors, sans doute la confusion de Roumains et de Roms fait que nous imaginons des gens venus tous d'Europe centrale, par là-bas. Non, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Il y a une origine mythologique qui est l'Inde. Et cette idée, en fait, s'appuie sur la langue parlée par les peuples tziganes, le romanès. Et cette langue est proche du sanskrit. Et donc, à partir de ces éléments, on a dit que l'origine des tziganes était indienne. Aujourd'hui, les recherches ne permettent pas de confirmer cette origine qui est vraiment... pour l'instant, une origine mythologique. Il y a des recherches linguistiques qui existent, mais elles nécessitent d'être croisées aussi avec des recherches historiques, géographiques, pour pouvoir confirmer, en fait, puisqu'actuellement, il y a l'idée d'un récit, d'un départ de l'Inde, d'une traversée d'un peuple qui, de façon homogène, aurait traversé toute l'Asie centrale pour arriver en Europe. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la présence, les traces de la présence la plus ancienne de ces peuples tziganes, ou quel que soit le nom qu'on peut leur donner, c'est autour de la Grèce actuelle, disons, et les mentions les plus anciennes qu'on a qui remontent au XIIIe, XIVe siècle. Beaucoup de fantasmes autour de l'origine des gitans. Mais quelle est l'origine de ces faits étranges ? Eh bien, elle date de 1427, en pleine guerre de Cent Ans, du temps que Paris était une capitale anglaise et du temps de la première incursion des bohémiens, autrement appelés tziganes ou gitans, dans Paris. Ces gens-là étaient venus du Midi, se prétendaient chrétiens de la basse Égypte, chassés par les Sarrasins, etc. Bien. Et dans la cité où ils étaient entrés, ils se sont livrés à des dévotions assez spectaculaires. Les femmes étaient larronnesses et diseuses de bonne aventure. Leur comportement a exaspéré les chanoines de l'île. Et on les a flanqués à la porte d'une manière extrêmement simple. On les a forcés de franchir sur des radeaux successifs, car ils étaient... Une bonne centaine, on les a forcés de franchir ce bras de Seine qui sépare l'île de la Cité de l'île Notre-Dame, c'est-à-dire de l'actuelle île Saint-Louis. La légende, la tradition orale extrêmement tenace, comme le pont et comme le maléfice, veut que le doyen de ces gitans ait jeté l'anathème gitan, c'est-à-dire le maléfice, sur ce bras de Seine. Paris des maléfices dans l'émission La France Insolite en 1964 sur l'origine des gitans. Adèle Sutre, alors il y a le mot bohémien qui a été utilisé dans l'archive que nous venons d'entendre et puis il y a gitan. Nous avons parlé de tzigane depuis le début de l'émission. On peut faire peut-être un petit point sur le vocabulaire. Alors tzigane, c'est un mot extrêmement englobant. Oui, tzigane, c'est un mot très général qu'on présente souvent comme étant donné de l'extérieur, ce qui est juste, même s'il peut parfois être approprié par les individus eux-mêmes, mais c'est un terme très englobant qui permet de désigner vraiment une population très diversifiée, que ce soit par l'origine géographique, l'histoire ou les caractéristiques anthropologiques. Et ensuite, on a toute cette ensemble tzigane se décline avec plein de termes qu'on entend et qu'on connaît plus ou moins, gitan, manouche, sinti, rom, etc. Il y en a énormément et c'est sûr que selon l'univers dans lequel on évolue, les mots sont différents. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Martin Oliveira, bonjour. Bonjour. Nous réfléchissons à l'origine justement des gitans et à tous ces mots évoqués. C'est vrai qu'il y a un champ lexical gigantesque. Quel est le mot dans lequel se reconnaissent le plus les premiers concernés? Alors est-ce que tzigane convient à tout le monde? Ah ben, la réponse habituelle, ça dépend. ça dépend à qui ça convient. Pour les savants, si l'on veut, en tout cas les savants francophones, le mot tzigane convient puisque c'est eux qui l'ont érigé comme une catégorie de connaissance, si on veut, depuis le 19e. Et après, pour les intéressés, ben, ça dépend où ils sont, qui ils sont et la manière dont ils se positionnent. Et donc, pas de réponse simple, évidemment. Alors, pas de réponse simple, et ça, c'est toujours intéressant qu'il n'y ait pas de réponse simple. En revanche, Martin Oliveira, la simplicité est parfois administrative. Alors, quand l'administration regarde ces populations, quel terme emploie-t-elle? Alors, en France, à l'heure actuelle, on parle de gens du voyage depuis 1969, qui est donc une catégorie du droit français, et qui est censée désigner des personnes qui exercent des activités professionnelles mobiles ou ambulantes. Donc, vu qu'on est en France, la République, il n'y a pas normalement de connotation ethnique. Mais bon, c'est un fait que la catégorie gens du voyage, elle est héritière de la catégorie nomade, qui a été créée, elle, en 1912, et qui était faite pour englober les fameux bohémiens et autres tziganes, errants, étrangers ou pas de l'époque, sans les désigner par une connotation ethnique, mais dans un cadre législatif qui permette à la fois de les contrôler et de les maintenir à distance du corps sain de la société nationale, si l'on veut. Voilà, c'est une prouesse juridique administrative que l'État français, la Troisième République en l'occurrence, a fort bien réussi depuis 1912 et qui continue d'une autre manière, de manière plus allégée, mais quand même depuis 1969 avec les gens du voyage. Voilà, définition administrative, les nomades sont devenus les gens du voyage et puis un champ lexical très vaste qui reflète une réalité de diversité de population. Et toujours dans la réflexion sur les alors nomades, gens du voyage, tzigane, selon où on se place, il y a le lieu. Il faut faire un peu de géographie, ça tombe bien Adèle Sud parce que vous êtes historienne et géographe. Vous avez écrit La géopolitique des tziganes, publié au Cavalier Bleu. Alors, où sont-ils? Nous les imaginons donc venir d'Europe de l'Est et puis vous nous avez dit que mais non, c'est pas tout à fait comme ça. Et où sont-ils? Ils sont partout, à travers le monde. Aujourd'hui, alors évidemment, principalement en Europe, mais aujourd'hui, il y a des populations tziganes sur tous les continents, même si c'est moins connu, mais en Amérique du Sud, il y a un certain nombre de recherches qui existent, en Amérique du Nord, même en Australie, en Chine. C'est vraiment une population qui a voyagé et qui s'est réparti dans le monde entier, mais comme au même moment en fait que les autres Européens au fin 19e, début 20e siècle se sont dispersés aussi à travers le monde. Et en Europe, ce sont des populations qui sont présentes dans tous les pays européens. Tous les pays européens, donc un continent est déjà cité, vous en avez cité d'autres, petit tour de l'autre côté de l'océan. Le groupe semblait hésitant. Un vieillard tapait du pied. Pas de photos dans les médias. Écoutez, expliqua le reporter patiemment, nous voulons juste prendre des photos des enfants, pas de mal. Et il ajouta, il y aura un article de toute manière, autant l'accompagner d'une photo. S'ensuivirent d'intenses discussions dans leur langue. Il semblait qu'ils rencontraient des difficultés à parler anglais. Puis l'idée commença à germer, et un ou deux hommes filèrent et revinrent les mains pleines de fausses moustaches noires. Ils commencèrent à les rouler. « Peu importe les moustaches, » dit le photographe. « C'est comme ça que les gens s'attendent à nous voir, » expliqua l'un d'eux avec un grand sourire. Ils se rassemblèrent tous autour du guitariste qui commença à jouer. Ils chantèrent et applaudirent. Les enfants qui étaient restés en arrière se rapprochèrent. Le photographe prit sa photo. « Voilà, ils sont tous autour du feu, ils ont leurs moustaches, alors ce sont des fausses moustaches. Nous étions en 1947, c'est une lecture d'Olivier Martineau de cet article d'un journal, The Advertiser. Où étions-nous, Adèle Sutre, avec cet article? Avec cet article, on est à Hawaï. Hawaï, donc à la fin des années 40. Hawaï, c'est un de ces espaces où on soupçonne pas forcément tout de suite la présence de familles tziganes. Et en fait, c'est un espace qui a été vraiment très investi par quelques familles, à la fois parce que c'est une plateforme des circulations entre l'Australie et la côte ouest des États-Unis, et qu'il y a des familles qui font ces trajets assez régulièrement au début du XXe siècle, et aussi parce que c'est un espace où la bonne aventure, notamment, qui est une pratique de ces familles-là, notamment des femmes, c'est la bonne aventure a beaucoup de succès. Donc, non seulement c'est une plateforme de circulation, une escale, en fait, dans leur voyage, mais aussi un endroit où ils restent parce qu'ils peuvent travailler. Et là, justement, c'est des familles de chaudronniers et originaires d'Europe centrale, mais qui sont arrivées sur le continent américain fin 19e. Voilà, donc des tziganes surfeurs à Hawaï, avec la recherche peut-être d'un trait commun dans toutes ces populations. Martin Oliveira, y a-t-il des éléments qui forment une identité commune? Alors, ben, ça, c'est quelque chose qu'il s'agirait, en fait, de documenter ou de démontrer. Et c'est peut-être un peu une évolution importante de la production en histoire ou en ethnologie, en anthropologie sur les tziganes, les gitans. C'est un acquis, moi, je pense, important depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est d'interroger cette unicité et cette idée selon laquelle il y aurait des caractéristiques communes. Pas forcément pour les rejeter, mais au moins pour pas la poser comme une évidence. Parce que jusqu'aux années 70-80, l'idée que tous ces gens-là, au-delà des noms différents, des endroits différents où ils habitent, des manières différentes dont ils s'habillent, des religions différentes qu'ils ont, des langues différentes qu'ils parlent, l'idée c'était quand même que malgré tout, c'était tous des tziganes avec cette lointaine origine commune. Alors que maintenant, voilà, dans les nouvelles sciences humaines et sociales depuis 30-40 ans, notamment en histoire et notamment en anthropologie, cette unicité est interrogée. Alors de manière plus ou moins vive selon les chercheurs, mais elle ne fait plus évidence. Voilà, elle ne se pose plus comme quelque chose, comme un point de départ pour penser, pour la réflexion, mais éventuellement comme une question ouverte. Donc, je peux pas vous apporter de réponse, moi personnellement. Les choses qu'on pourrait trouver communes à tous les gitans, tziganes du monde, quel qu'il soit, c'est des choses qu'on retrouve dans plein d'autres sociétés dans le monde, et puis aussi pas très loin, même en France, il n'y a pas très longtemps non plus, voire même encore aujourd'hui dans certains milieux sociaux. Donc, du point de vue de la classe moyenne, supérieure, dominante, ce sont des choses qui font étranges et qui peuvent faire un petit peu identification de l'extérieur, mais dès qu'on met un petit peu en perspective, dès qu'on va voir ailleurs, en dehors des gitans, en dehors des tziganes, on se rend compte que leurs originalités sont pas très originales finalement. La nécessité de porter un regard transdisciplinaire avec de l'anthropologie, ça tombe bien. Martin Oliveira, vous êtes anthropologue, maître de conférence à Paris 8, vous avez écrit Rome en bidonville, quelle place pour les migrants précaires aujourd'hui. Et quand vous nous dites qu'il y a une évolution de la recherche, alors bien sûr, il y a le regard porté sur une population, et puis l'interrogation que l'on peut avoir, y a-t-il une identité tzigane? Est-ce qu'il y a la construction d'une reconnaissance de code et même simplement d'affirmation d'appartenir à un groupe? Alors, il y a des sentiments d'appartenance très forts, mais d'un point de vue ethnologique, anthropologique, cette appartenance, elle s'exprime localement, ou alors parfois transnationalement, mais en faisant référence à chaque fois à un groupe ou une communauté, si l'on veut, qui est beaucoup plus restreinte que la minorité rome ou tzigane à l'échelle européenne ou internationale. Donc il y a des sentiments d'appartenance, c'est un fait, et des communautés vivantes qui produisent des manières culturelles, des formes d'organisation sociale originales. Donc ces groupes-là existent, les communautés locales existent. En revanche, l'inscription de toutes ces communautés dans une méta-identité, où les uns et les autres se reconnaîtraient comme tous semblables et comme ayant tous la même origine malgré et tout, et participant un petit peu au même destin ethnique, cette question-là, elle est beaucoup plus... Cette méta-communauté-là, méta-identité, elle est beaucoup plus difficile à observer sur le terrain, de fait, puisque ce qu'on peut voir le plus souvent, c'est que les uns et les autres, les différents groupes ou individus, tziganes, gitans, roms, etc., ont plutôt tendance à se distinguer les uns des autres, et d'autant plus fort que de l'extérieur, on veut sans cesse les remettre dans le même sac, si on veut, dans la même catégorie générale. Donc, difficile à observer empiriquement sur le terrain cette appartenance globale à une minorité transnationale. Alors, c'est un fait que par ailleurs, depuis les années 70, il existe un mouvement militant, politique, qui promeut une reconnaissance sociale, historique, politique, culturelle de la minorité rome. Alors, on parle plus de rome dans ce cas-là, au sens global, comme on dit Tsigane, nous, depuis le début, et qu'il existe voilà, un pan d'activité associative, culturelle, qui voudrait promouvoir l'émergence de cette minorité transnationale avec une identité commune, une histoire commune, un patrimoine commun, un petit peu sur le modèle de la nation, hein, comme on le connaît chez nous, telles qu'elles ont été inventées au 18e, au 19e siècle. Donc ça existe depuis 30-40 ans. C'est assez visible dans certaines circonstances, et en particulier à l'échelle européenne et dans les instances européennes ou dans les grandes ONG. Mais il y a un petit décalage ou un grand décalage avec les réalités de terrain. On a des réalités à la fois beaucoup plus émiettées et en même temps des patrimoines et des productions sociales, culturelles beaucoup plus ancrées dans des territoires plutôt que dans une appartenance à une minorité fondée sur une origine exotique lointaine. Et puis le regard porté sur ces populations construit même l'identité. C'est dans les archives sans cesse, nous voyons cette question qui apparaît. Mais qui sont-ils ? C'est vrai, il y a toujours un mystère. Qui sont les gitans ? Que sont les gitans ? D'où viennent les gitans ? On ne sait d'eux que leur roulotte, leur goût de la route, leur solitude. L'homme est chaudronnier, les femmes devineresses, comme si par un étrange mystère, cette race détenait les secrets de la vie. Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes ? Le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Il reste un peuple qui ne quittera les quatre planches des roulottes que pour les quatre planches du cercueil. Un peuple qui s'enterme sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin. Ah ben, un petit concentré de clichés dans le journal des actualités françaises. Nous étions en mai 1946. Adèle Sutre, se décideront-ils à rentrer un jour dans le cercle des hommes avec leur danse éternelle ? Il y a aussi cela dans les préjugés, pas d'histoire. Ça, c'est quelque chose aussi que vous avez pu remarquer en étudiant les Tsiganes ? Oui, en tout cas, enfin, effectivement, il y a cette idée que ce serait un peuple sans histoire. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer. Notamment, pendant très longtemps, on a mis en avant le fait que le romanesque était une langue orale, principalement orale. Et donc, que les Tsiganes faisaient partie des peuples qui n'avaient pas tenu le journal de leur histoire. Et que, donc, à ce titre, ils étaient finalement sans histoire. Aujourd'hui, on voit un ensemble de travaux qui justement mettent en avant le fait que si, même si effectivement l'oralité tient une très très grande place chez la majorité des différents peuples tsiganes, il y a un certain nombre d'écrits qui existent. Et dernièrement, il y a des ouvrages justement qui sont sortis, très intéressants, qui ont trouvé dans les archives. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'il suffit de chercher et que les archives sont pleines de ces témoignages écrits qui permettent de remettre en perspective aussi l'histoire de ces peuples. Martin Oliveira, dans la construction d'une identité et puis dans ce préjugé ou ce cliché, les gitans, les tsiganes n'ont pas d'histoire, ou en tout cas ils ont une histoire à eux, une oralité qui ne se transmet pas ou qui se transmet que dans le groupe. Quelle est la part de vérité sur ce cliché ? Aucune, ben, hein, vous pouvez me dire. Merci, c'est gentil. Ben, effectivement, ce qui se passe, je pense que c'est un point important, je ne vais pas m'étaler, mais rapport aux clichés, aux préjugés, aux stéréotypes, je pense qu'on fait toujours fausse route, pour les gitans ou pour les ou n'importe qui d'autre, mais on fait toujours fausse route si on cherche à retrouver des points de départ de ces des fondations de ces clichés, de ces stéréotypes dans la réalité. Non, ce n'est pas le cas. Les stéréotypes, les préjugés, ils vivent en vase clos. Ils vivent pour des raisons qui concernent concerne intégralement celles et ceux qui les ont produits et qui les manipulent. Donc, le cas échéant, pour les tziganes, nous, les gens qui nous définissons comme des nationaux majoritaires non tziganes. Et donc, l'origine de ces clichés-là n'a pas à être cherchée et même ne peut pas être trouvée dans des réalités sociales, historiques ou culturelles empiriquement observables dans les groupes ou les communautés désignées comme tziganes. Je pense que c'est ce hiatus qui est important à essayer de toujours garder en tête. Et je répète, c'est valable pour les tziganes comme pour n'importe quelle autre dite population. La galerie des stéréotypes et des préjugés concernant ce qu'on appelle tziganes, elle peut être intégralement saisie et comprise dans ses origines et dans ses transformations permanentes si on la remet en contexte, dans son contexte d'apparition, qui est celui de la construction des États-nations en Europe occidentale en particulier, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Et donc, les racines, les fondations même de ces stéréotypes, elles sont intégralement contenu dans des paradoxes et des contradictions qui sont au fondement même de ces constructions d'identité nationale. Vous avez tout à fait raison, hein, Martin Oliveira, de relier en fait ces constructions d'identité liées aux tziganes à la construction des identités nationales, parce que l'on trouve vraiment ça. Hein, il faut un héros, il faut des chansons, il faut des manières de vivre, et sans cesse ces clichés sont répétés. C'est cette répétition en fait qui leur donne un petit aspect, vous savez, ce côté, oh, c'est pas tout à fait faux. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sort, prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. France Culture. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours. Il a des milliers de cousins. Le cours de l'histoire. Le gitan, il a couru les chemins. Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. Xavier Maudu. Le gitan que tu ne connais pas. C'est Daniel Guichard, évidemment. Le gitan, tzigane, entre mythe et défiance dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil, Adèle Sutre. Oui, le Daniel Guichard, le gitan, là encore une fois, concentré de clichés. Dans tous ces clichés, il y a malgré tout comme un jeu de va-et-vient. Tout à l'heure, nous avons écouté cette archive à Hawaï, où des gitans se griment, en gitan, en tout cas, tel que la population attend qu'il soit. Cela participe aussi à cette image qui s'est imposée, que nous avons tous en tête, avec la roulotte, la guitare, etc. Oui, en fait, il y a des jeux de circulation de ces stéréotypes. L'historienne Henriette Asseo parle de culture de contact. Le fait que les mondes tziganes et les autres sont pas séparés en fait, mais sont en contact effectivement, et que les préjugés circulent et que les images se nourrissent en fait les unes des autres. Et c'est vrai qu'on observe des phénomènes où les populations stigmatisées se réapproprient ces stéréotypes et en jouent. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois de façon très habile et parfois de façon moins habile. Mais effectivement, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est tout à fait ce qu'on voit, c'est-à-dire que les hommes qui sont interrogés par le journaliste ne veulent pas au départ être pris en photo, ils finissent par discuter entre eux et ils disent « Ok, mais là, ils donnent à voir ce qu'ils imaginent que les gens veulent voir, et ils reprennent à leur compte ces stéréotypes. Et c'est vrai qu'il y a des cas où certains groupes familiaux vont devenir un petit peu des spécialistes de ça, de se dire, bah, finalement, puisque les gens veulent nous voir d'une certaine façon, on va leur donner ce qu'ils veulent voir, et en plus, on peut en tirer parti. Et ça, c'est dans le cadre de l'activité de divertissement, notamment. Que, donc, c'est pas si simple, en fait, c'est pas uniquement des stéréotypes qui sont appliqués de l'extérieur. Il y a ces phénomènes de circulation, d'échange, de reprise, de transformation, de réappropriation des idées reçues, à nouveau, qui parfois sont au bénéfice de ces familles-là qui en jouent, et parfois ça peut aussi se retourner contre elles. Oui, parce que dans les clichés, il y a du cliché positif. Et c'est vrai que la roulotte, il y a quelque chose de charmant. Et puis, il y a l'itinérance qui fait rêver. Mais d'ailleurs, il faut tout de suite préciser, parce que c'est très important et à rappeler sans cesse, Martin Oliveira, il y a l'association de l'idée de nomadisme et de zigane. Ça aussi, nous sommes dans les préjugés. Alors, préjugés peut-être pas, parce que c'est pas stigmatisant d'être nomade. Mais en tout cas, c'est un cliché. Et là aussi, il faut rappeler combien le fait d'être zigane ne signifie pas être nomade. Oui, absolument. La grande majorité de ce qu'on appelle tziganes en Europe n'ont jamais été nomades ou semi-nomades. Là, on a une perspective très franco-française sur le nomadisme intrinsèque des bohémiens ou des tziganes, qui est lié à la manière dont l'État français a aussi traité et mis sur la route aussi ces familles-là. Mais c'est une perspective française et puis d'Europe occidentale essentiellement, qui petit à petit s'est imposée sur l'ensemble, enfin, sur l'ensemble du globe. Mais historiquement, l'immense majorité de ces groupes-là, de ces communautés-là, n'ont pas bougé ou n'ont pas bougé plus ou moins que leurs voisins dans des pays dont ils sont originaires, si l'on veut. Donc, de fait, le nomadisme n'est pas une caractéristique intrinsèque des identités tziganes, roms, gitanes, loin de là. Mais évidemment, le principe, c'est que, avec les stéréotypes et les clichés, c'est que on ne reconnaît que ce qu'on est prêt à voir. Et donc, là encore, le vase clos fonctionne très très bien et la tautologie aussi. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on sait que c'est pas vraiment vrai, mais quand même, malgré tout, il y a forcément un fondement qui doit être là, sinon ça n'existerait pas. Et puis, on ne cesse d'avoir des illustrations qui nous semble confirmer ce qu'on savait déjà. C'est le fonctionnement clos sur lui-même des stéréotypes ou du cliché. Martin Oliveira, vous nous avez bien expliqué que la mise en place d'une identité tzigane peut être reliée à la formation des stéréotypes nationaux, donc très 19e siècle, au moment d'ailleurs où l'exotisme, l'orientalisme est à la mode. Alors il y a de ça aussi dans la mise en place de tous ces clichés autour des tziganes. Ce côté mystérieux qui plaît beaucoup, mais ça peut être un jeu à double sens, c'est-à-dire que étant gitan, on peut s'amuser sur le mystère aussi. Tout à fait. La logique, enfin la question du mystère de l'origine, du mystère de l'identité, elle est effectivement fondatrice dans la création de la catégorie tzigane dans le champ de la littérature et par les savants au 19e. Parce qu'en fait, il semble ces groupes-là, ces sociétés collectifs-là posent un problème, si on veut, au logiciel de la pensée nationale ou de la pensée ethno-nationale, parce qu'on est habitué à penser nous que si les gens ne sont pas pareils, si nous appartenons à des cultures différentes, c'est parce que nous avons des origines différentes. C'est le fondement même de la pensée ethnique ou de la pensée nationale. Un peuple égale une origine et un territoire. Alors parfois, certains ont bougé, ont transporté leur culture avec eux, des diasporas, mais on peut malgré tout identifier cette origine simplement. Et puis, il y a tous ces gens d'ailleurs qui ne sont pas comme nous parce qu'ils sont d'ailleurs. Donc ça va, ça confirme, ça cadre avec le logiciel. Avec les populations ou les groupes dits tziganes, on a un problème, parce qu'on a des gens qui ont toujours été là, qui sont comme nous quand même, mais pas complètement comme nous non plus, mais dont on peut pas identifier une origine a priori. Pas comme des migrants ou comme les communautés juives, par exemple, qui ont une raison d'être pas pareil, si l'on veut, d'un point de vue extérieur, qui est la religion. Là, il y a comme une sorte de bug, si l'on veut, face à ces groupes-là. Toujours, qui ont toujours été là, qui ne sont pas comme nous malgré tout, alors qu'ils devraient être comme nous, vu qu'ils ont toujours été là. Et c'est vraiment cette énigme-là que vont tenter de résoudre les premiers tziganologues à toute fin 18e, début 19e siècle. Et c'est en trouvant, en découvrant cette parenté avec des langues parlées dans le nord de l'Inde, dont parlait Adèle Sutre tout à l'heure, qu'il y a une forme de soulagement et de eureka fondateur de la tziganologie contemporaine qui est, ouf, on a enfin découvert pourquoi ce peuple, cette population n'est pas comme nous, c'est qu'ils viennent d'Inde. Et donc c'est normal qu'ils ne soient pas comme nous, les modernes Européens civilisés, puisqu'il y a cette lointaine origine, même si elle remonte à plus de 1000 ans, etc., etc. Mais c'est à la fois un eureka fondateur et un ouf de soulagement, si l'on veut, au moment de la fondation de la catégorie générique tzigane. Dès lors, il n'y a plus de problème au moment d'accueillir des gitans. pense qu'ils font pas de mal à personne. Qu'ils sont gentils quand ils viennent comme ça. Oh, les gitans, vous savez, c'est pas leur place non plus, hein. Parce que le quartier, c'est quand même déjà un quartier assez résidentiel. J'estime que, ma foi, s'ils ne dérangent personne, ils peuvent très bien rester là. Il faut bien qu'ils se mettent quelque part. Tant qu'ils viennent pas ennuyer les gens, qu'ils ne font pas de dégâts. Vous ne trouvez pas qu'ils sont mal propres, hein? Bah si, mais enfin, ils ont guère de moyens de se laver là-bas. On devrait les éloigner quand même d'ici, hein. C'est sale et puis il y a souvent des vols. Moi, je pense qu'ils ne dérangent personne, ils ont leur place à eux. Et puis, moi, personnellement, ils ne me dérangent absolument pas. Accueil impeccable dans Alsace Actualité en 1969. Adèle Sutre, dans cette archive, nous avons alors là deux très beaux préjugés, malpropre et voleur. Ça, c'est quelque chose qui colle vraiment à cette identité tzigane vue de l'extérieur. Oui, parmi d'autres images, effectivement, mais ça fait partie de stéréotypes qui ont la vie dure et qui ont été entretenus, c'est ce que disait Martin Oliveira aussi tout à l'heure, par la littérature, mais la peinture aussi. Il y a un certain nombre de tableaux qui existent, notamment liés à la pratique de la bonne aventure et au vol et à l'escroquerie, en fait, hein. Et c'est des stéréotypes qui, effectivement, se sont maintenus au fil du temps et qui continuent à coller à ces populations-là. Oui, ça colle à ces populations-là, avec, parce qu'il faut trouver des éléments d'explication, il y a aussi un fonctionnement lié au déplacement. Nous l'avons vu dans le cours de l'histoire au moment de réfléchir à ces populations voyageuses au XXe siècle. C'est à écouter, à podcaster sur francecultures.fr et l'appli Radio France. Comment, en obligeant des populations qui sont censées obligatoirement être nomades pour avoir une activité et gagner de l'argent, quand nous les obligeons à rester à un endroit, elles sont obligées de trouver des moyens, parce qu'il faut vivre, il faut bien manger. Donc, et dès lors, se crée le vol. Mais d'un seul coup, il y a focalisation sur, parce que là, nous sommes presque dans la psychologie, l'arrivée de l'étranger tout de suite anticipée comme attention, risque de vol. Oui, enfin, c'est... En réalité, je pense que c'est très lié aussi à ce dont on vient de parler, au fait que ces populations sont associées à une mobilité permanente. Et il y a cette idée qu'ils seraient hyper mobiles, alors que c'est pas le cas, hein, comme on l'a dit. Et cette mobilité, elle les rend insaisissables. Elle les fait paraître insaisissables. Et quand ils sont insaisissables, justement, il y a un soupçon permanent, donc de vol. Mais par exemple aussi, en temps de conflit, souvent, on les soupçonne d'être des espions. Parce que finalement, ces gens qui circulent comme ça partout, qui paraissent franchir les frontières avec une facilité incroyable, bah, ce seraient peut-être des espions. Donc c'est en Europe, on observe le phénomène, mais par exemple, même aux États-Unis, au moment de la Première Guerre mondiale, quand les États-Unis rentrent en guerre, l'ancêtre du FBI fait toute une surveillance des familles de tziganes qui circulent entre le sud des États-Unis et le Mexique, en les accusant d'être espions. Et ça va aussi avec le vol d'enfants, par exemple. Là aussi, finalement, ces familles qui sont de passage dans une localité, bah, quand un enfant disparaît, pourquoi est-ce que ça ne serait pas ces gens qui sont passés et qui auraient volé l'enfant? Ce qui est intéressant, d'ailleurs, sur les vols d'enfants, c'est qu'il y a énormément d'histoires qui existent à travers le monde, d'ailleurs. C'est vraiment aussi un stéréotype qui a la vie dure. Et quand on étudie dans les archives tous ces cas, il n'y en a aucun qui est avéré. Et bien, malgré ça, malgré le fait qu'aucun de ces cas de kidnapping n'ait jamais été avéré, aujourd'hui encore, et jusqu'à récemment, il y a des accusations qui avaient été portées dans la banlieue parisienne, à tort, et qui avaient mené à des expéditions punitives, donc avec des conséquences vraiment dramatiques pour les populations qui étaient accusées à tort de ça. Donc c'est fou, en fait, de voir aussi comment ces préjugés se maintiennent, et malgré tous les démentis que peuvent apporter l'histoire, l'anthropologie, ils se perpétuent. Oui, même la justice. La justice, oui. Veut dire, oui, voilà, il n'y a rien. Et puis, malgré tout, ces clichés, ces préjugés sont toujours là. Martin Oliveira, si nous reprenons cette idée de vol d'enfants, c'est vrai que nous allons trouver ici un préjugé qui est attribué aux tziganes, mais pas seulement. C'est ça, et vous nous l'avez dit, c'est très intéressant, en fait, pour étudier une population, de prendre du recul et de voir comment ces préjugés traversent aussi d'autres groupes. Oui, bien sûr. D'autant que, je ne sais pas si c'est à l'origine ou au début, mais il y a une mécanique simple qui se met en place, qui est celle de distinguer nous et les autres, qui est ce qu'on appelait le grand partage, qui est en partie racine de la pensée moderne. Il y a nous, les modernes et les civilisés, et tous les autres. Et tous ces autres-là, que ce soit des sauvages du dedans ou des sauvages du dehors, des gens qu'on est en train de coloniser ou des gens qu'on remet en ordre chez nous, les paysans ou les bohémiens, tous ces gens qui ne sont pas nous ont des traits communs vus de cette perspective-là, si l'on veut. Ils ont aussi des différences, mais ils ont fondamentalement des traits communs qui sont en partie, alors on peut dire, la fainéantise, le fait de ne pas se plier aux règles du travail moderne telles qu'elles devraient être, des mauvaises mœurs matrimoniales, des mauvaises manières de s'occuper de leurs enfants, voilà. Si vous... Donc on a la création d'une espèce de méta-identité des pas nous, des autres. Donc c'est pour ça que peuvent circuler aussi donc ce type de clichés ou de stéréotypes ou de pratiques perçues chez ces gens-là, aussi bien des gitans que des sauvages un peu plus lointains, que même parfois nos propres présents dans paysans dans certaines régions, avec donc des circulations de stéréotypes et de clichés à travers ces populations qui, alors de point de vue comme ça, ne devraient rien avoir en commun, mais qui en fait, si on se met dans la perspective que je vous ai proposée, on comprend très bien qu'elles rentrent toutes en fait dans le même sac, qui est celui d'une altérité fantasmagorique qui est nécessaire à l'affirmation de ce nous des modernes nationaux, tel qu'elle existe encore aujourd'hui assez fortement. On peut pas ne pas le voir. Ah oui, ça, c'est vrai que vous avez raison, on le voit, mais c'est vrai, donc, nous avons besoin de voleurs d'enfants, de ziganes, pour construire une identité. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est à démonter, parce que cette circulation de clichés que vous avez évoqué, Martin Oliveira, c'est une circulation néfaste, évidente, à déconstruire, quand d'autres circulations culturelles, celles-là, sont à promouvoir. Camarón de la Isla, Soy Gitano, au Festival de Montreux en 2018. Soy Gitano, cette identité est très forte. Adèle Sud, au moment de réfléchir à la géopolitique des Tziganes, c'est le titre de votre ouvrage, bien sûr, il y a cette identité. Mais pour une géopolitique des Tziganes, nous sommes sur un phénomène extrêmement complexe où les populations sont différentes, mais en même temps elles se mêlent. L'identité Tzigane couvre en fait plusieurs réalités. Il y a des points de passage, de jonction. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de la multiplicité des noms qui servent à les désigner. Et c'est vrai que pour essayer de s'y retrouver, de comprendre, on peut commencer par dresser des lignes de partage qui paraissent simples. Les noms qui sont donnés de l'extérieur et ceux qui sont donnés par les individus eux-mêmes. Mais en fait, très vite, on se rend compte que c'est pas si simple. De la même façon que on peut aussi essayer de répartir un petit peu tous ces groupes sur des cartes. cartes, mais en fait aucune cartographie figée ne fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, les Roms sont en Europe de l'Est, les Gitans dans le sud de la France et la péninsule ibérique. Mais en fait, très vite, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce que les gens circulent d'abord, se mélangent. Il n'y a aucune population qui vit fermée sur elle-même. Et puis aussi parce que les termes circulent et que parfois certaines autodénominations sont appropriées par les gens. Les gens peuvent se dire gens du voyage et se sentir gens du voyage, alors que c'est une catégorie administrative donnée vraiment là, de l'extérieur. Et inversement, on reprend parfois des termes, par exemple le mot romanichel, qui est généralement assez péjoratif. Ça vient du romanès, ça veut dire peuple romani. Donc c'est là aussi, on voit ces circulations, ces échanges. Et c'est vrai que ce qu'on disait, le mot de cigane ou ses équivalents dans d'autres langues, c'est une construction politique savante d'une unité qui en réalité n'existe pas en tant qu'unité, puisque dès qu'on commence à regarder finement ou sur des terrains, ce que disait Martin Oliveira, on voit des différences d'ancrage historique, d'ancrage géographique, des trajectoires très différenciées, même si effectivement elles sont croisées, et donc que c'est pas totalement absurde de réfléchir à la question des tziganes sous l'angle de cette construction politique et savante, d'abord, et aussi sur ce qu'elle a pu produire comme réalité sociale, parce que par exemple, la loi de 1912 et puis ensuite en 69, donc ces lois qui créent la catégorie nomade des gens du voyage, qui contraignent les gens à certaines règles, notamment de surveillance de leur circulation, elle crée une unité finalement de gens qui sont peut-être très différents, mais qui vont être soumis aux mêmes règles et qui donc vont avoir des modes de vie de manière voulue ou contrainte, mais assez semblable. Donc c'est vraiment des jeux de circulation et de recomposition permanente de groupes qui circulent, qui s'entremêlent, qui... Voilà. Mais circulation, recomposition permanente, Martin Oliveira, vous avez évoqué l'altérité pour la construction d'une identité. Ça va bien, c'est l'autre, le Zian, c'est l'autre. Mais à l'intérieur même de ce monde Zigan, il y a énormément d'altérité. Étude extrêmement fine qu'il faut mener, mais qui n'est peut-être pas menable, parce que là nous sommes dans de l'anthropologie et liée à l'histoire, mais l'altérité est partout en fait dans cette histoire. Oui, bien sûr. Effectivement, une entreprise qui se voudrait exhaustive, qui voudrait décrire la totalité de ces formes d'identité sociale, culturelle et historique de la multitude des communautés dites tziganes, ce serait oui une entreprise effectivement relativement voué à l'échec. Ce serait pas possible. Donc ce que l'on peut faire, et ce que l'on fait, et ce que font les anthropologues ou les ethnologues, c'est à chaque fois des descriptions de tel ou tel groupe, de tel ou tel collectif, de telle ou telle communauté, société, Roms, Gitanes, Tziganes, etc. En reprenant à chaque fois, c'est une chose importante, en reprenant à chaque fois tout à zéro pour chaque communauté. C'était l'ethnologue Patrick Williams qui utilisait cette expression. Et c'est bien passé dans l'héritage aujourd'hui de l'anthropologie, il me semble, pour chaque nouvelle monographie, pour chaque nouvelle recherche sur tel ou tel groupe, on fait attention à partir de zéro et à pas à chaque fois essayer de reproduire ce qui a été dit sur d'autres tziganes dans d'autres lieux ou à d'autres moments, parce que ça c'était vraiment le pli de pensée hein, de la tziganologie comme on dit auparavant et qui donc de fait ne permettait enfin reproduisait sans cesse les mêmes images avec une circulation de ces stéréotypes et clichés dont on parle depuis le début puisque on glissait d'un groupe ou d'une communauté à l'autre sans aucune précaution. Là maintenant, dans la manière dont on pratique l'anthropologie dans ces groupes-là, eh bien, on s'astreint à faire attention de ne pas reproduire ces glissements-là. Et c'est ça qui donne à voir sans cesse une galerie de groupes, une galerie de portraits archi diversifiés. C'est un fait. Alors est-ce qu'il y a des points communs ? Ben, sur certains points, oui, mais on en trouve aussi des points communs avec leurs voisins non tziganes ou non gitans. Voilà, le jeu des points communs, il permet aussi bien de créer de l'unité au sein du métagroupe tzigane que des points communs avec l'extérieur. Alors, c'est bien d'osciller entre les deux aussi, pour montrer que ben, le monde, c'est jamais des catégories bien posées, et que nos mots et nos concepts ne permettent jamais de saisir intégralement le monde et sa diversité telle qu'il est. Ce sont toujours juste des outils et des tentatives, mais il faut pas se prendre trop au sérieux, ce qui est parfois le défaut de la modernité. Et puis, toujours le positionnement du chercheur, de la chercheuse, pour ces clichés, c'est vrai que bien souvent, ils viennent de l'extérieur, quand parfois la culture populaire, c'est-à-dire cette documentation qui est à la base des historiens et des historiennes pour saisir un peu la circulation de ces clichés, quand cette culture populaire devient succès. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Tiago. Kenji Girac, Tiago, si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure, les gitans, les gitanes, on est bricoleurs. C'est un peu un cliché aussi, le succès de Kenji Girac qui met d'un seul coup en avant les gitans. Alors là encore, nous ne sommes pas sur les tziganes, nous sommes sur les gitans. Adèle Sutt, c'est ce paradoxe aussi dans l'histoire des clichés, ce va-et-vient sans cesse entre admiration et rejet. Je suis certain que des gens écoutent Kenji Girac avec plaisir dans leur voiture, mais en même temps râlent parce que des gens du voyage viennent d'arriver. Oui, tout à fait. Oui, c'est l'ambivalence et justement ce qu'on a appelé l'anti-tziganisme est fondé sur cette ambivalence de stéréotypes avec un versant positif lié à aussi une fascination. Et puis un versant tout à fait négatif et tout à fait... l'un n'empêche pas l'autre en fait, les deux fonctionnent ensemble et parfois, comme on le voit avec le cas de Kenji Girac ou d'autres, les stéréotypes sont repris en fait et mis en avant pour alors soit pour, comme tout à l'heure à Hawaï, donner aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais aussi parfois pour s'en amuser, ce qui est peut-être le cas de Kenji Girac, je sais pas. Vous ne le connaissez pas personnellement. Non, mais c'est ça qui est intéressant et il y a plein d'exemples comme ça justement qui montrent le jeu sur les stéréotypes positifs et négatifs, mais un jeu qui parfois peut être dangereux parce que ça peut aussi se retourner contre soi. Oui, parce que c'est le danger de manier tous ces stéréotypes. En un mot, Martin Oliveira, ce jeu des stéréotypes évolue dans le temps. Aujourd'hui, il y a tous ces travaux des chercheurs, anthropologues, géographes, historiens, historiennes. Avez-vous l'impression qu'il y a un recul de ces stéréotypes? Je ne dirais pas ça. Non. Alors ça peut être. Vous dites que vous avez raison que les travaux se développent, mais est-ce qu'ils arrivent à entamer la puissance de ces stéréotypes et de ces clichés? C'est pas une évidence, malheureusement, parce que on n'est pas sur les mêmes registres et on n'est pas sur les mêmes auditoires non plus, et que l'usage et l'utilité du personnage et de la figure du tzigane, des gitans, des nomades, des bohémiens, elle me semble pas moins puissante aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 100 ans. Ou pour le dire autrement, le rôle qu'il tient, ce qu'il permet de, la manière dont il permet de nous penser, les non-tziganes, ou de penser le monde et d'agir sur ce monde, c'est toujours aussi utile aujourd'hui qu'il y a 50 ou 100 ans. Et donc, voilà pourquoi probablement la multiplication de la connaissance ou des connaissances plus complexes, plus fines, ne permettent pas de lutter frontalement contre ces clichés et contre cette stéréotypie, voire cette mythologie. Alors, est-ce que c'est désespérant? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça empêche d'être un petit peu naïf sur le pouvoir de la connaissance. Mais c'est une très belle conclusion. Oui, voilà, faut rester modeste, Martin Oliveira, mais il faut surtout poursuivre la recherche. Merci vraiment à vous deux, Adèle Sutt, hein, j'appelle géopolitique des tziganes au Cavalier Bleu, et merci à vous, Martin Oliveira, et les équipes de France Bleu La Rochelle, où vous étiez avec la tradition de l'intégration, une ethnologie des Roms, ou encore les Roms en bidonville. Mais il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous nos ancêtres, les Kalinagos?